Préface. La poesia contemporanea non canta più, striscia. Però ha il privilegio della distinzione, non frequenta le parole malfamate, anzi le ignora. Si prendono le parole con le pinze a mestruale, si preferisce periodico e si ripetono dei termini medici che non dovrebbero uscire dai laboratori o dai trattati di medicina. Lo snobismo scolastico, che consiste nel non usare in poesia che certe parole ben definite, a privarla di certe altre, che siano tecniche, mediche, popolari o dialettali, mi fa pensare al prestigio dei baciamano e delle vaschette lavadita. Non sono le vaschette lavadita a rendere le mani pulite, né il baciamano crea la tenerezza. Non è la parola che fa la poesia, è la poesia che illustra la parola. Gli scrivani che fanno ricorso alle dita per sapere se tornano i conti dei piedi non sono dei poeti, sono dei dattilografi. Oggigiorno il poeta deve appartenere ad una casta, ad un partito o al bel mondo. Il poeta che non si sottomette è un uomo mutilato. La poesia è un clamore e deve essere ascoltata come la musica. La poesia destinata ad essere soltanto letta e rinchiusa in veste tipografica non è ultimata. Il sesso vero e proprio le viene dato dalla corda vocale, così come al violino viene dato dall'archetto. Il riunirsi in mandrie è un segno dei tempi, del nostro tempo. Gli uomini che pensano in circolo hanno le idee curve. La società letteraria sono ancora le società. Il pensiero messo in comune è un pensiero comune. Mozart è morto solo, accompagnato alla fossa comune da un cane e da dei fantasmi. Renoir aveva le dita rovinate dai reumatismi. Beethoven era sordo. Ravel aveva un tumore che gli risucchiò di colpo tutta la musica. Si dovette fare la questua per seppellire Bella Bartok. Rudbeuf aveva fame, Villon rubava per mangiare, tutti se ne fregano, l'arte non è un ufficio di antropometria. La luce si accende solo sulle tombe. Noi viviamo in un'epoca epica, ma non abbiamo più niente di epico. Si vende la musica come il sapone da barba, la stessa disperazione si vende, non resta che trovare la formula giusta, tutto pronto, i capitali, la pubblicità, i clienti. Chi dunque inventerà la disperazione? Con i nostri aerei che fregano il sole, con i nostri magnetofoni che si ricordano delle voci ormai spente, con le nostre anime ormeggiate in mezzo alla strada, noi siamo sull'orlo del vuoto, confezionati come carne in scatola, a veder passare la rivoluzione. Non dimenticate che l'ingombrante nella morale è che si tratta sempre della morale degli altri. I canti più belli sono quelli di rivendicazione. I versi devono fare l'amore nella testa dei popoli. Alla scuola della poesia non si impara, ci si batte. Quand j'ai fumé autre chose que tes je veux être trappé de noix et de raison, battre de la labor de l'enfer démocrate et cracher sur Trotsky, sur Lénine et Socrate, et qu'on dise de moi, mon Dieu, qu'il était con. Quand j'ai fumé autre chose était-il que il n'aimait rien de ce que l'on ne fait aimer et marchait seul devant les points d'un utopique. Il croyait que l'amour est comme la musique, alors que votre amour est immatriculé. Autre chose qu'était-il que moi je suis comme ma foi, le fleur noir à la face, fini les temps du bombe aujourd'hui, l'on transige un crépuscule en parlemente et l'on exige un mec chevelon qui crame ou qui s'efface. Autre chose que des Celtiques. Je vais mourir tout seul là-bas, au bout du quai, tiré à quatre chiens de la nuit. Camarade, avec dans mes paquets mon hibou sérénade, qui n'y voit que la nuit, permis m'accompagner. Alors, nous tirerons nos dernières cartouches. C'est tout réparé, c'est ce qu'on ne peut pas dire. C'est 10 ans d'épuré dans mon souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir la mélancolie. C'est un chat perdu que l'on croit retrouver. C'est un chien de plus dans le monde qu'on sait. C'est un nom de rue où l'on va jamais la mélancolie. C'est se retrouver seul, place de l'opéra, quand les flics t'engueulent et qu'il ne sait pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. C'est décontracter, ouvrir la télé et garder distrait en s'étant pressé. C'est parler du tiercé que tu n'as pas joué. La mélancolie, la mélancolie. C'est voir un mendiant chez le conseil fiscal. C'est voir des amants qui lisent le journal. C'est voir sa maman chaque fois qu'on soit mal, la mélancolie. C'est revoir Carpeaux dans la reine Christine. C'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin. C'est Victor Hugo et Léopoldine, la mélancolie. C'est sur la teinture, avoir le cheveu blanc, et sur la parure, faire les pas des ans. C'est sur la blessure, voir passer le temps. C'est un chimpanzé aux os d'un verre, qui meurt à moitié, qui meurt à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver, la mélancolie, la mélancolie. C'est les yeux des chiens quand il pleut des eaux. C'est les bras du bien quand le mal est beau. C'est quelquefois rien, c'est quelquefois trop, la mélancolie. C'est voir dans la pluie les sourires du vent et dans l'éclairci la gueule du printemps. C'est dans les soucis voir la fleur des champs, la mélancolie. C'est regarder l'eau d'un dernier regard et faire la peau au divin hasard et rentrer peinot et rentrer peinard. c'est avoir les noix sans savoir très bien ce qu'il faudrait boire. Entre loup et chien, c'est en désespoir qu'a pas les moyens la mélancolie. La toujours l'accordéon dans un bistrot qui n'a plus de nom. Tellement les gens sont habitués à y danser, à y danser. La comparsita qui est une orgie toute la nuit pour un salaire qui fait pas de bruit. Car ton métier c'est de danser, c'est de faire danser. Mystère Georgina. Qui tombe une brique le jour, ou qui se noie quand les amours, qui sur la piste vont chercher de quoi rêver, de quoi danser. La comparsita, toi tu t'en fous car ton métier c'est de faire danser mais pas de penser. Fais ta série, voilà ta vie, Mister Georgina. Ma vie, ta vie, leur vie. Un jour t'auras les cheveux blancs, ce qui vient tard, qui vient sûrement. Tu te retrouveras dans votre poupée pour y danser, la comparsita. Et tu le joues dans un béclon pour un salaire qui a foutu le camp. Les audaces, c'est toi tu buffais. Mystère Georgina. Alors avant qu'il soit trop tard, plante ton mégot à ton placard. Les fourmis sont faites pour bosser, quand aux cigales elles vont danser. La comparsita, car la musique fout tout métier. Ça chante, ça gueule, ça fait rêver. Et ça s'envole comme les paroles, comme les paroles, mystère Georgina. Ça s'envole, pas toujours, né du tango inconnu. Toi, l'étranger qui vient guécher, avant ses faits comparsités. Tu les regardes avec tes doigts, tel qu'ils jouent un dos en fa, la comparsita. Oh, faut tout ça, toi tu t'en fous, t'as ton copain, c'est ton binu. Tu joues Schubert, mais c'est plus cher, mais c'est plus cher, Mister Georgina. Un piano, c'est comme l'horizon, tu les joues à l'horizontale. Toi, ton piano est sans flanflant, tous les fois la verticale, sur comparsita. Et dans la rue, tes récitals, des fois, ça lui fait un peu mal. Avec ton play, lance-toir, Mister Georgina. Fini la musique. Plus de musique. À l'an 2000, plus de musique. Et pourtant, c'était beau. Johann Sebastian Bach, tu connais? Pauvre repas, pour les plaisirs qui s'y consument, dans la toile ou dans le satin, pour les enfants qui tirent. anonyme au fond de d'autres chérubins pur leurs pétales anonymes comme la rose du matin qui satin pour les polaires que tu recouvres de ton chandail tendre de pain pour les portes que tu lui ouvres sur la tanière des rupins pour les condamnes que tu veilles à l'abbaye du Mont en l'air pour les rêves que tu lui conseilles et les mégots que tu lui sers. Thank you, Satan. Pour les étoiles que tu sèmes dans les rémos des assassins et pour ce cœur qui va quand même dans la poitrine de putain, pour les idées que tu maquilles dans la tête du citoyen, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien. Thank you, Satan. Pour la prêtre qui s'espère à retrouver les douze agneaux et l'épinard élémentaire qui prend peau du château Margaux, pour les poètes qui tu glisses au chevet des adolescents, quand pousse dans l'ombre complice les flairs du mal, tu disais tant. Thank you, Satan. Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans quoi ni rien ce que la frime, un chien croque mort du hasard, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, les rouges pour naître à Barcelone, les noirs pour mourir à Paris. Thank you, Satan. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude de roi, pour le rire des têtes mordes, un chien croque mort du hasard, et qu'on aimait face pointaire, et que je chante pour ton bien, dans ce monde les muselières ne sont pas faites pour les chiens. Merci, Satan. Per tutti quegli uomini che quando la morale non basta, diventano angeli ribelli. Dov'era la musica? Nei salotti illustrati da servi venerati, nei concerti segreti dai segreti merleti, nei templi invecchiati da ricordi fottuti, è là che appassisce la musica, è là che abortisce la musica. Noi nelle strade la vogliamo la musica, e ci verrà. Mus es sein, es muss sein. Così deve essere, così è. Eccomi ormai da 30 anni, eccomi ormai da 10 giorni, eccomi ormai dalla tua fonte, eccomi ormai dalla tua gola, da quando tiro la mia corsa il castolano della notte a patibolare la mia scorza, a patibolare la mia scorza. Non se sai, e se non sai, così deve essere, così è. Sono un albero senza età da quando bevo sulla mia porta, e dall'inverno tu porti di che troncare l'avvenire, da quando nulla si divora tranne le ombre sopra il muro, da quando tu mi servi ancora la disfatta sul sofà, da quando tu mi servi ancora la disfatta sul sofà. Muss es sein, es muss sein, così deve essere, così. Un ragno mi ha detto buonasera, si trascinava nel crepuscolo, da quando la mia anima mi pencola verso paesi più meccanici, da quando ingozzato di musica porto il mio grugno in giro per il mondo. Un ragno mi ha detto in fondo quel che conta è avere la pratica. Avere la pratica. Muss es sein, es muss sein, così deve essere, così è. Ludwig, Ludwig, sei sordo? e poi l'ortografia è stronza ed è carica di superbia, e il tuo vino rosso macchia il bieco dei tuoi contrabbassi. Ludwig, Ludwig, rispondi, Ludwig, rispondi, Ludwig, sei sordo, per Dio! La musica, dov'è oggi la musica? La musica muore, signora. Credi davvero? La musica la trovi al Politecnico, tra due equazioni, mia cara, con Boulez nel suo negozio e un ministro all'occhiello. Un ministro all'occhiello, un Wittgenstein, Wittgenstein, quasi deve essere così, eh? La musica! Così è. Come bagaglio i tuoi 20 anni dei genitori, l'esperienza, quel tanto di menefreghismo e quanto basta di incoscienza. Quando si ama è per la vita che troppo in fretta vola via, come un'idea, come una moda, e tutto il resto è fantasia. Come bagaglio la tua faccia, se piace aiuta a far le scale, nel caso opposto ti ci abitui, fino a trovarla niente male, si spara a caso in mezzo al mucchio e qualche volta si colpisce dei pesci oppure del leone, o si è pescati o si ruggisce. Come bagaglio i tuoi 20 anni del mosto, non ancora vino e delle briciole da offrire ai passerotti sul cammino. Amare e fino alla morte si muore e si rinasce in fretta per iniziare un'altra mano. L'amore è come un usegetta. Come bagaglio la tua faccia che sottolinea ogni tuo errore, facendo dire quella voce che i saggi chiamano interiore. Non si può cambiar frequenza, attenuarne un po' il volume, ogni parola dal profondo sgorga impetuosa più di un fiume. Come bagaglio i tuoi 20 anni ed una rosa in mezzo ai denti che poco prima di morire ti punge senza complimenti. Quando si ama è tutto niente, il tutto che non è perfetto, il niente che ti infastidisce come una sveglia in capo al letto. Come bagaglio la tua faccia che a stento riconosci ancora, solo davanti ad uno specchio, col tempo tutto va in malora, e così mascheri il problema, cerchi di limitare i danni dicendo che finché si ama il cuore avrà sempre 20 anni. fiori da inventare, le bambole di una cometa, le ragioni di essere folle e la follia in testa, la fuga degli aerei verso i tuoi sogni vani e me come un radar impiccato alle ali, nei tuoi occhi le nebbie e nel tuo ventre il mare, nella tua voce un organo che mi invoglia ad entrare, dolori variopinti che ridono per te, nei tuoi occhi una luce che li cancellerà. Profumi di notte che salgono dalla Spagna, accessori di festa sotto le tue vesti, le lacrime di gioia quando la gioia prega la risata del sole, se il sole se ne frega la memoria di chi non sa più ricordare, il futuro in pastiglie, io e te per andarci, passaporti per einsteinizzarci a volontà verso il gloco universo che ci annienterà. Tutti i miei problemi e la carica molla che dice ti amo, nel tuo cuore un giardino e dentro un giardiniere che va dal mio fioraio e ti invita a pranzare, le fiabe che tu compri al mercato dei sogni, muri che germogliano, la clessidra che impugni, dolori ricamati per incatenarti a me e armi surreali per spararmi a volontà. La cosa che sembra carne e sangue di Dio, quel mare che risale ai piedi del tuo grido, quella porta dell'inferno che ti fa disarmata, le promesse notturne che noi ci confessiamo, la gioia che se la squaglia fuori dal tuo collo, i silenzi perduti in fondo a una parola, le ali spezzate quando insieme si vola, quel momento in cui non tieni più. 3, 2, 1, 0. Tutto questo ti do, tutto questo ti do. Je te donne tout ça, Marie. Avec la peur qui tend la patte, les ministères de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être les phares de blême comme la balle, comme embarquer vers les étoiles qui tombent froides sur la dalle et cette rose sans pétale. Cet avocat, la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'en peut être ni Dieu ni maître. ces bois qu'est l'onde de justice et qui pousse dans les supplices et pour meubler les sacrifices avec du sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, ce prétexte qui nomme peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'erreur civile de la noblesse puis du style. Ces cris qui n'a pas la rosette, cette parole du prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Le grida della strada e passanti negozi, dove come un insulto ti vai a rispecchiare tra gioielli da poco e biancheria da niente, ombre in occhi di donna che ti vedono passare, tutti questi rumori, canti di profumi dentro i quali ti immergi, nei quali ti esilio per amarti da lungi in un gioco sottile. Tutto questo è il tuo stile, è il tuo stile, è il tuo stile, è il tuo culo, è il tuo culo, è il tuo culo, è la mia legge a cui ti pieghi maledetta, è quel fuoco che accende ogni mia sigaretta, è l'amore in ginocchio che non conosce scala, il tuo stile è il tuo culo, è il tuo culo, è il tuo culo. I porti della notte, quel bimbo che vorremmo e non vogliamo più ad un tuo minimo segno, quando noi mescoliamo nel fondo del tuo bene sangue della mia uva, vino della tua vigna, tutto questo riappare come in nostra memoria dentro i mondi perduti dell'anno 80.000, quando non ci saremo e torneremo a nascere, questi trucchi un po' folli, tutto questo è il tuo stile, è il tuo stile, è il tuo culo, è il tuo culo, è il tuo culo. È il tuo diritto quando ho diritto al tuo stile, è il gioco dell'inferno giocato a testo croce, è l'amore che tace quando non hai più voce, il tuo stile è il tuo culo. Chi vuol sapere troppo non conosce più niente di te, mi piace ciò che posso immaginare, rincorrendo nell'aria i contorni di un gesto, la tua bocca inventata al di là del volgare, per le strade di notte il mio viso è celato, quando non riconosci di me che ho un certo stile, quando rendo me stesso un altro immaginato, questi trucchi un po' folli, tutto questo è il tuo stile, è il tuo stile, è il tuo culo, è il tuo culo. Il tuo culo è la tua legge a cui mi piego maledetta, è la cenere perduta ad ogni mia sigaretta, è la notte che spegne i suoi fuochi e muore, il tuo stile è il tuo cuore, il tuo cuore, il tuo cuore. Il tuo stile è il tuo cuore. ton cul et le bonheur passe en sous, je les mauve. Ta ribelle de fréquence, déjà des hommes, je les mauve. Ta prairie, ça sent bon, faisant dans vos amis, je les mauve. T'es qu'une fleur du printemps qui suit l'air et du temps, t'es qu'une étoile d'amour, grande étoile de jour, je les mauve. T'es qu'un brin de soleil sur chaque brin de l'éveil, t'es qu'une vague qu'on éteint comme une lampe au matin, joliment. T'es qu'une paire de mirettes, un poker de conquêtes, joliment. T'es qu'une rime, un bonheur, faut que ça rime, que ça plaire, joliment. T'es qu'une sur ce milieu qu'éclabusse du bon Dieu, joliment. T'as qu'une porte en bois blanc que l'on puisse en chantant, je les m'aime. T'as qu'une petite fleur comme qui meurt, qui meurt. T'as qu'une femme en passé quand son âme est froissée, je les m'aime. T'as qu'une fête et le tome que n'est pas même le tome. T'as qu'une joie n'en allait bien chez moi rechercher, je les m'aime. C'est une nuit, c'est un pull, y'a la rue qui est ma boule, je l'y mange. Il n'y en a pas un sourcent, et pourtant, ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne le comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé de beignes, de pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont leur cœur de vent et leur raison mi-temps, et leurs ont tout rangé par des foutues idées. Il n'y en a pas un sourcent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne le voit jamais que lorsqu'on a perdu les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi avec l'amour au point sur la table souriant, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas qu'un sourcin, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par des coups pieds de cul, faudrait pas oublier. Ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir, un berne sur l'espoir et la mélancolie, pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas un sourcin, et pourtant ils existent. Et s'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.